Salut, c'est Zaza. Zaza. Nous revoilà ensemble pour Lune de Fiel. Tous les mardis de 22h à minuit, 2h d'émission choc, au cours desquelles vous nous dévoilerez vos fantasmes les plus secrets. Lune de Fiel. Du sexe et du cœur. Du cœur. Du cœur. Tous les mardis de 22h30 à minuit 30, Lune de Fiel sur Future Génération. Génération. Ils font quand même des efforts hein, sur le générique. C'est normal que l'ampoule ne marche pas là. Faut taper dessus. Ça me gêne. Voilà. Alors, vous allez laisser le générique en entier parce qu'il y a des personnes qui veulent l'enregistrer et qu'on ferme surtout notre gueule dessus. Voilà. Alors, vous mettez le générique. Ça s'appelle Coteau. C'est Visitors parce que dans votre courrier, vous le réclamez. Et bien, tout entier, pendant 2-3 minutes, on vous met le générique. Quel bonheur. C'est Lune de Fiel. Il est 22h, 22h31, 32. Les casques fonctionnent, les micros fonctionnent. Il n'en reste plus qu'à régler pour avoir un son merveilleux qui va rentrer dans nos oreilles. Une bonne otite. C'est Lune de Fiel. 94.4 sur Future Génération. Les numéros de téléphone tout de suite. 43 57 69 70. Oh. 43 57 69 70. Un petit peu plus d'aigu, il y a moyen dans le retour de mon casque. Voilà, le bruit est sourd. Voilà, encore un peu plus d'aigu. Voilà. Voilà, merci. Mais on vous a appris à être enculé, hein. Je crois que c'est de naissance, hein. Ouais. Au lieu de vous mettre une petite tape sur les fesses, on a dû vous mettre un doigt et ça n'a pas dû cicatriser. Ah, cette technicienne est formidable. Mais t'aurais dû être là pour la manif, hein, parce que dis donc. Elles ont pas eu de chance, ces malheureuses. 43, 57, 69, 70, 43, 57, 69, 70, c'est le numéro de téléphone du bonheur, le numéro de téléphone à composer. Si vous désirez passer à l'antenne, intervenir, critiquer, féliciter, nous proposer des suggestions que nous pourrions adopter concernant cette émission Lune de Fiel. Vous êtes branché sur 94.4, Future Génération, c'est David et Zaza. Moi, vous savez, j'arrive toujours le premier parce que je ne bois pas du tout d'alcool. Zaza boit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool. Et elle arrive, voici, le verre à la main, avec son camarade. Comment s'appelle votre camarade ? Mustapha. Ah, c'est Mustapha ? Oui. Ah, mais pourquoi vous aimez les hommes typés ? Mais je sais pas, c'est eux qui m'aiment. Vous renversez... Ah, je renverse la vapeur. La vapeur. En fait, ce sont eux... Mais si on a eu retour son, ce serait bien dans le... On va remettre... Mais vous voulez pas mettre votre casque ? Oui, parce que ça me décoiffe. J'ai fait une mise en pli aujourd'hui. Ah, très bien. À 39,90, c'est de songe. Oui, un bon caramel sur les cheveux. C'est une mise en pli autre fou que vous avez fait sur votre log. Je vais parler de vous, hein. Parce que vraiment, ça tient debout, là. Hein. Nous avons beaucoup de courriers. Dis donc, nous on m'a dit qu'au cirque d'hiver, il paraît que c'était les mises en plis, les shampoings se faisaient à la moelle de, à la moelle d'homme. Bon, nous n'avons pas, parce qu'on se fait engueuler après par la clientèle. Voilà. Éteignez cette lumière, oui, parce que mieux vaut pas qu'on se voit pendant l'émission, parce que. Même sinon, après d'ailleurs. Sinon, ça va être épouvantable. Ah, j'ai dit ah oui. Alors oui, Zaza. Ah, ouais, tout me volait tout. Occupez-vous de la clientèle qui nous écoute. Vous savez, nous avons des milliers, des centaines de milliers. Je pense que nous allons arriver à près de 2 millions au mois d'octobre. Mettez votre casque, oui. Vous allez entendre. Voilà. Voilà. Nous allons presque arriver à 2 millions au mois d'octobre. C'est 2 millions de personnes qui nous écoutent toutes les semaines, à qui on apporte le bonheur, le réconfort, la jouissance. Et vous êtes bouleversés après... Et je me suis renversé également la vapeur parce que eux nous apportent quelque chose. Ah ben... Oui. Parce que j'étais très dépressif à 18h. À 18 ans à, Mais à 18h, j'avais 18 ans. Ouais. À 18h, tu étais très dépressive. À 20h, ça allait mieux. Et à 22h30, et ben ça y est, je suis en pleine forme. Là, c'est le bonheur. Là, c'est le bonheur. Tu sais qu'on reçoit d'énormes sacs de courriers. Tu en ouvres une partie. J'en ouvre une autre. Moi, je me couche dessus des fois aussi. Voilà. Parce et que j'ai toujours pas d'appartement. Ah bien oui, c'est vrai. Ben, la roulotte a été saisie. Tu es SDF, alors. Sans 2000 fils fixes. Quelle horreur, ma pauvre Zaza. Nous, alors, nous recevons du courrier. Qu'est-ce que je suis invité, quand même. Salut, bande d'anus. Mais le son est très très mauvais, je sais pas ce qu'il y a. Oui, c'est, mais ça, c'est pas une nouveauté. Ça grésille, ça grésille. Tu t'en aperçois parce que ce soir, tu as une perceptibilité plus aiguë. Bah, c'est-à-dire que j'ai mais rien pris. Mais ça a toujours encore. Été très mauvais, le voilà. Son, je peux te dire. Salut, bande d'anus dilatés. Catherine dans le même sac. Bah, Catherine, ce qui veut dire cul élargi. Voilà, cul élargi, cul refait. Désolé pour la qualité du papier, on est en cours, oui. Ça fait un mois qu'on a réclamé nos badges et on ne les a toujours pas reçus. Alors je vais vous dire, on a un paquet de badges qui nous sont revenus avec des adresses qui ne figurent pas, des villes qui ne figurent pas, des noms qui ne figurent pas. Donc on a toujours soit l'adresse et la ville, soit le nom et l'adresse, soit le nom et la ville. Mmh. Mais il y en a certains où il y en a aussi, c'est marqué inconnu au bataillon. Alors inconnu, pas de boîte aux lettres et tout. Alors ceux qui nous ont envoyé, on a des traces, hein, mais il nous faut le complément de l'adresse. Voilà, c'est Eric à Maurepas. Je vais pas donner son blase de famille parce que quand même. Alors qui nous appelle pendant l'émission et puis qui nous donne son adresse complète. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on a reçu aussi un très très très joli dessin. Regardez ma petite Zaza. Oh. C'est sublime. C'est divin, mon chéri. Voilà. Et c'est signé Fabrice et il a bip en. Voilà. Et il est de Saint-Brice-sous-Forêt. Bravo, bravo, bravo, bravo. C'est sublime, ma petite Zaza. Je vais montrer ça à Jacques Lang, chez qui je vais jeudi. Vous trouvez ça joli? Je mettrais pas ça dans mon salon ou dans ma roulotte. Mais c'est beau, le casque est sublimement bien fait. Non, c'est intelligent, c'est amusant, c'est drôle. Ça pourrait faire un très joli. Et ça peut faire très peur aux voleurs. Hein. Voilà. Très bien. De la part de Mylène, Laurence et Stéphanie, alors elles font un bonjour à Laurent les Boueurs. Laurent, c'est pour toi, grosse conne. Laurent Boca, Magali, Dorothée et Marie-Jo. Salut bande de bâtards, Benoît est un gros menteur, aucune fille ne court après lui dans le collège. Il est petit, con, mais sympa. Quel petit enculé. Et Benoît, c'est celui qui nous avait appelé la semaine dernière. Qui que j'ai tant aimé, qui oui, mais qui était formidable. Oui, mais s'il avait il est peut-être pas très joli, mais avec le texte qu'il a, il a certainement des réussites. Et c'est un copain de sa classe qui et nous il faudrait écrit. Dire à nos amis auditeurs que des fois, le texte remplace la beauté. Et oui. C'est un copain de sa regarde classe. Regarde-toi, par exemple. Je suis très très joli. Oui, mais enfin, c'est par rapport au canon de la beauté classique. Là, tu débranches le micro exprès. Tu n'es pas de long dans le samouraï. Voilà, non, mais c'est parce que ça déconne toujours. Mais tu vas voir, tu vas rigoler tout à l'heure quand tu vas écouter le remix. Bien grave. Ah, il y en a un qui est grave, très grave. C'est sympa. Cher David, je m'appelle Nicolas et j'habite Paris dans le 6e arrondissement. J'ai un gros problème, je ne sais pas draguer. J'ai bip en, et c'est de pire en pire. Et je ne suis même pas formé sexuellement. Alors, il y a un embryon. Oui. C'est-à-dire que il a confondu son nombril avec son sexe. Peut-être que c'est une fille, elle se prend pour un garçon. C'est une fille ou un garçon? Ben, je ne sais pas. Elle s'appelle comment? Nicolas. Nicolas, normalement, c'est une fille. Ce serait... J'ai écouté l'émission Lune de Fiel pour la deuxième fois, qui est un peu vulgaire. Ah, ça, c'est nouveau. Mais alors là, je vais te dire franchement, pourquoi un peu? Un peu, oui, je c'est pas un pas. Peu, c'est beaucoup vulgaire. Il faut pas nuancer, hein. Qui est un peu vulgaire. J'ai bien ri quand même. Là, j'ai enfin fait le rapprochement entre ta voix et celle du jeune homme qui est passé sur une chaîne de TV. Hein, d'accord, ah, d'accord. Ouais. Mais il n'y a pas une semaine où tu passes pas sur une chaîne de TV. Je ne sais plus quand exactement. C'était pour défendre les droits de l'homosexualité. Personnellement, tu étais très bien, même mignon. Ah. Lorsque tu te révoltais... Tu vois qu'il y en a qui te trouvent mignon quand ah, même. Oui. Mais tu vois, ça me... Et j'ai mes crottes de nez qui commencent à revenir. Ah, je m'inquiétais beaucoup. Et là, ça dans mon quartier, on m'a posé des questions. Hein. Tu vois qu'il y a une chérie, j'ai décroché oh, des tableaux. Des chandelles. Des... oh là, je vais te... Le musée du Louvre. Je vais t'en parler après, tu vas voir, je vais t'expliquer. Alors, il a dit que j'étais très mignon. Je me nomme Bruce. Qui est mon vrai prénom, même s'il ne me colle pas vraiment à la peau, car je ne suis pas Monsieur Muscle. J'aurai 18 ans le 1er décembre. Il doit s'appeler Roger, mais enfin Bruce. Et je n'arrive pas à me situer sexuellement. Je suis souvent tenté par les tendances homo, mais je suis obligé de jouer la comédie lorsque je sors avec mon frère de 25 ans. Tu es la première personne à qui j'en parle, très librement, mais chez moi, je n'ose pas en parler. Le sujet n'est pas du tout tabou, mais mes parents me traiteraient d'anormal. Surtout que mon père est chirurgien thérapeute. J'apprécie beaucoup ton émission, votre émission, car j'adore t'entendre discuter. Et puis, cela me donne courage pour continuer à ne pas avoir honte de mes tendances. Bravo. Pour clore cette lettre, je vais me décrire. Je fais 1m78, yeux verts, cheveux châtains. Une peau de bébé sur le cheveux verts. Oui. Mon parfum, c'est Gouros, d'Yves Saint-Laurent. Une boucle d'oreille au côté droit et en quelques strass, petites hein, taches de rousseur au visage. Et j'habite en ce moment au Rincy dans le 93. Voilà. Le mot sexy ne va pas pour tout le monde. Mais il me semble que toi, tu dois être sexy et doux. Ah, une proposition. Ah, ça a des propositions. Oh, tu es dans le coup, tu demandes à Maria. Eh bien, Bruce, tu peux m'appeler après l'émission et puis j'essaierai de te réconforter. Des je te veux, je t'aurai. J'essaierai de te réconforter, mon petit chat. Tu mérites qu'on t'aide. Voilà. Salut les grosses queues. Je suis dans la classe de Benoît, encore. Je vous écris pour vous dire qu'il y a beaucoup d'enculés à Montgeron. Dans la classe, il y a trois filles convenables pour la baise. Ce sont les trois plus cochonnes, Céline, Sandrine et Laetitia. Je vous les décris toutes trois. Laetitia, un peu enrobée, mais des énormes nibards. Céline, pas mal. Bien roulée, mais poitrine menue. et Sandrine, la moins bien des trois, très grande, sain, moyen. Il a dû se taper aucune des trois, mais il fantasme quand même. La vie des gonzesses là-dessus. Ah oui, bonjour Nathalie et Sidonie. Nathalie et Sidonie sont là quand même. Ah oui, non, c'est Aglaé. Non, c'est Aglaé. Non, je sais plus. Aglaé et... qu'on sache. Voilà. Aglaé et... Approche le micro de ton visage, comme si c'était une grosse j'ai bite. J'ai pas assez de force pour le... Voilà, mais voilà, toi, j'ai de la force. Hein. Il te faut un homme voilà. Quand même. Est-ce que tu as bien joui cette semaine, Aglaé? Formidablement. Tu as été visitée? Oui. Ah, comment il s'appelle ton chéri? Il s'appelle T'es... pas. T'es chéri, tu le siffles? Voilà. Oui, c'est comme les chiens. Voilà. Ah oui, oui, j'allais... Ah oui, alors ça, je voulais te raconter... Qu'est-ce que j'ai entendu, c'est que la chaleur. Oh là là. C'est, alors les hommes orientaux ne m'appellent pas par mon prénom. Ils me font. Comment? Ils vous sifflent. Comme si vous étiez dans les dunes à Marrakech. Construis bien ta phrase. Comme si que il y a trois culs. Même pour moi, même pour l'île de Fiel. Oui, mais trois culs dans une seule phrase. C'est pour ça qu'on m'a pris pour présenter cette émission parce que je n'arrête pas de sortir des culs. J'ai deux ailes au cul. Monsieur Glock. Voilà. Alors, je m'appelle Sandrine, j'ai... Ah ben là, dis donc carrément. Bipan ! Et je suis une fidèle de Ligne de Fiel depuis à peu près 6 mois. Votre émission est extraordinaire. Je me marre comme une conne. Ah non, autant, comme autant que je ne me suis pas la seule. Ah, je comprends pas très bien. En fait, mon problème... En français dans le texte, elle s'amuse bien. Quoi, et que je vais partir en vacances près de Bordeaux et je ne voudrais rien rater de votre émission. Elle va aller comparer son bassin à celui d'Arcachon. Donc je souhaiterais que vous me donniez la fréquence. Ah oui, mais on est simplement retransmis sur la région parisienne, l'Île-de-France, environ... Et elle voudrait en bordelais ? Il n'y a pas. Il y a un trafic de cassettes au noir qui... Oh, ça, des trafics de cassettes, là. Mais bon. Alors, le numéro de téléphone de la station, 43 57 69 70, 43 57 69 70, c'est le numéro de téléphone du bonheur, le numéro de téléphone à composer. Si vous désirez passer à l'antenne, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir. Salut. Je m'appelle Gino. Oui, Gino. D'abord, je trouve votre émission vachement sympa. Mm-hmm. Ça permet de pas mal d'apprendre certaines choses. Merci, Gino. Nous t'enverrons un chèque de 50 francs. Une photo dédicacée d'Aglaé. Et de Sidonie. Et de Sidonie. Ouais. C'est deux oies. Elles ont pas des chattes, elles ont des cloaques. Deux dindes que tu peux garder pour Noël. Et je peux en mettre 5 comme ça sur ma pine. Voilà. Bon. Gino. Ouais, alors moi j'ai 21 ans. Ouais. Et je suis avec une nana depuis 8 mois. Oui. Et il m'est arrivé là il y a quelques temps un petit délire avec un copain que j'ai hébergé en fait. Et on a fait une petite partie à trois. Et moi j'avais jamais connu ça. M'excite. Rien que de me raconter ça, déjà, ça m'excite. Ah ouais, mais moi, j'avais jamais connu ça parce que j'étais jamais fait de mec avant. Mm-hmm. J'étais pas du tout attiré par ça. Et tu n'y pensais même pas, je veux dire, dans ton, non, dans ton subconscient ou si, dans ton... c'est sûr, bon, quand je voyais un beau mec, bon, c'est sûr, bon... Tu regardais, oui. Ouais, on mate un peu, quoi, c'est sûr, surtout en vacances, chose comme ça. C'est bien que tu dises ça pour les gens qui nous écoutent, pour les 54 millions d'auditeurs qu'on a. Non, mais beaucoup le pensent, mais ils osent pas le dire, quoi. Voilà. Attends, je vais t'expliquer. Il y a une chose très simple pour savoir qui t'excite. Ouais. Tu sais, lorsque tu te branlais, quel était ton support? Ouais. À quoi tu pensais? Donc, au départ, je pensais à des nanas. Ouais. Et puis, avant d'avoir des rapports avec des garçons, est-ce que tu t'es déjà branlé en pensant à des garçons? Non, ça m'est non. pas... Jamais. Non. Jamais. Mais ça m'excitait bien, ce qui m'excitait c'était de me voir me branler. Ça m'excitait bien par contre. T'aimais bien te regarder devant une glace? Ouais, ça je faisais devant souvent, une glace. Devant une? Non, pas spécialement, mais quand je sortais de la douche ou autre, bon ben ça m'arrivait. C'est-à-dire que tu étais auto-homosexuel? Peut-être, ouais. Tu as bien compris ce que je voulais dire? Sans le savoir, ouais, je vois, ouais. C'est-à-dire amoureux de non, toi? Non, mais c'était même. Le fait de me voir, ça m'excitait, en fait, c'est ça? Bah oui, moi je suis un peu auto-gouine. Et donc, bon, pour en revenir à ce qui s'est passé... Oui, on t'écoute. Ouais, alors donc, il est venu une semaine chez nous, donc, et bon, bah... Une semaine, il n'est pas venu. Parce non, que non. Je fais une partout, ça dure 3 quarts d'heure. Ah, non, non. Toi, ça dure une semaine. Ah non, il y a eu des arrêts quand même. Heureusement. Oui. Alors non, explique-nous comment ça s'est passé. Alors voilà, je vais expliquer comment ça s'est passé. Alors au départ, bon ben, c'était un soir tout cool, normal, quoi. Ça faisait déjà deux soirs qu'il était là, donc il s'était rien passé. Et puis un soir, moi, j'ai baisé quand même avec ma nana. Et lui, il dormait pas, et je sentais qu'il matait, qu'il regardait. Et lui, est arrivé sur le pied de coin, sur le... Et c'est-à-dire que j'ai senti une main qui commence à me frôler, tu vois. Non mais attends. Non mais lui, il est arrivé, parce qu'il faut la situation quand même précise. Psychologique. Lui, bon. T'es le copain de ta copine. Ouais. Le bon copain qu'on héberge parce qu'il a pas où dormir. Ouais, voilà, ouais, c'est ah, ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est venu passer une semaine comme ça de chez nous à Paris. En squattant, voilà. Bon. Ouais. Voilà. Et comme j'ai une petite piole, c'est pas évident, à trois, on est obligé d'être l'un sur l'autre. Ah, c'est le cas de le dire. Et donc ça s'est passé le troisième soir, je crois. Et il a commencé à me passer la main et tout sur le cul. Sur ton cul. Ouais, enfin les cuisses au départ, après le cul. Et puis bon, moi je disais rien parce que bon, c'était quand même pas désagréable. Et puis après, il a commencé à me prendre les couilles, à me choper les couilles par derrière. Devant ta camarade. Ouais, mais elle est vachement cool. Elle est... Elle, ça lui plaisait. Et puis en plus, elle l'aimait bien parce que on sentait qu'elle avait bien, elle aurait bien eu envie de. T'es sûr que c'était pas un traf, ta copine? Non, mais les gonzesses sont très vicelardes. Elles... Écoute, mais enfin. Non, il y en a qui sont coincés devant c'est vrai, Aglaé mais... et Nathalie. Et Sidonie. Et Sidonie, tous les mecs veulent voir deux gonzesses se faire ensemble. Pourquoi une gonzesse ne voudrait-elle pas voir deux mecs se faire? La réponse d'une femme intelligente, Aglaé. Alors, c'est juste ou pas? Mais oui, c'est juste bien. Bah sûr. Voilà, c'est ça. Ça t'exciterait de voir deux mecs qui se font? Bah oui. Tu préférerais voir deux homosexuels ou deux mecs qui peuvent te régaler? Pas nécessairement. Deux mecs qui peuvent me régaler. Oui, mais s'ils se font entre eux avant de te faire, oui. Pourquoi pas? Voilà. Ah, c'est ça, bien. Mais il faut qu'ils te régalent après. Le principe, c'est de participer. C'est de participer, ouais. Mais c'est ce qui s'est produit. Tu peux te ramasser les deux sur le rable, il n'y a pas de problème. Et en plus, comme physiquement on assurait bien, donc il n'y avait pas de problème. Jusque, Gino, et, oui, j'en prie, oui. Et alors donc après, bon bah ça s'est pas arrêté là, hein, ça a continué. Et après donc il m'a passé un doigt, c'est-à-dire qu'il a commencé à lubrifier son doigt et j'ai senti un doigt qui rentrait comme ça délicatement. Non. Ah, ah ouais non parce qu'il a fait ça doucement quand même. Hein. Ouais. Oui, gentiment. Ouais gentiment. Tu as écouté l'émission de la semaine dernière? Non. Non. Parce que on avait parlé beaucoup d'enculage et de trous sensibles. Et on a eu beaucoup d'appels de mecs, pas spécialement... Qui n'étaient pas homosexuels, mais qui aimaient bien qu'on s'occupe de leurs trous. De leurs trous, voilà. Ah ouais, moi ça m'a bien plu. Enfin, moi, ça t'a plu. Ouais, c'était pas mal. Ça faisait double sensation. C'était vraiment... C'est-à-dire qu'au départ, ça faisait un peu mal, quand même. Oui. Et puis après la douleur s'est estompée, c'est-à-dire que après ça devenait un plaisir en fait. Au départ ça le muscle se resserrait, donc on n'avait pas se dégoûter plutôt. Mais après c'était vachement bon. Et est-ce qu'il y a eu visite? Ouais, c'est-à-dire qu'après ça a continué longtemps comme ça avec les doigts et puis après comme il bondait comme un dingue, ouais là il s'est lubrifié je sais pas quoi et puis ça. Et il t'a enculé. Là ça a fait vachement mal. Là ça a été la douleur. Est-ce qu'il avait eu une capote? Non, il n'y avait pas eu de capote. Ah là. Vous aurez un gage. Ah ça, lune de fiel, ça va sévir. Tu viendras la semaine prochaine, tu suceras Aglaé et Sidonie. Et tu nous boufferas les genoux. À moi, tu me boufferas les couilles et tu referas le plâtre à Zaza. Oui. Parce qu'à force de qu'on me refasse le plâtre, il n'y en a presque plus maintenant. Il reste plus que les. Il y a une pellicule. Non, mais c'est un copain qu'on connaissait bien, donc il n'y avait pas. Chérie, ben, je connais plein de gens. Mais c'est vrai que. Ouais, c'est vrai que ça veut rien. Non, mais ça, c'est valable pour tous les auditeurs, et David est d'accord avec moi, et Aglaé aussi. Et il faut bien faire attention. Le côté où on se connaît bien les gens, il a l'air en bonne santé, c'est pas vrai, c'est vrai que ça... Tu sais que il se passe. Faut pas se fier aux apparences du tout. Non. Et, oui. Et à partir du moment où tu mets des capotes. Il faut te dire, après, c'est à chaque fois que je mettrai des capotes. Parce que ça sert à rien de dire, je mets des capotes, t'en mets 9 fois, et la 10e, tu la fous à côté ou tu la gardes dans ta poche. Ouais. Donc tu comprends, à partir du moment où tu baises une fois sans capote, c'est comme si tu avais toujours baisé sans capote. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, j'en mets en tout cas. Ah, voilà. Bon. Il n'y a pas de problème. Et ça fait combien de temps que tu as eu cette visite? Ça fait un mois. Alors fais un test dans 3 mois quand même. Et tu vas recommencer? Mais enfin, il était jeune, hein, il devait avoir 18-19 ans. Ah bon, ça va. Alors donc déjà, les risques sont limités. Oui, mais ne recommence quand même pas. Enfin, ah ouais, non, mais là, je ne vais pas recommencer. Si je le refais, ce serait qu'avec... Et tu as envie de recommencer? Parce que tu as envie de recommencer. Oui, il a dit maintenant j'en mets. Maintenant j'en mets. Bah, j'en mets quand je fais avec une nana. Hein. Ouais, mieux vaut. Mais maintenant, est-ce que tu. Mais là, si tu veux, bon, bah, il faut voir la situation aussi. Je veux dire, ça s'est présenté. Des fois, bon, bah, ça s'est présenté. On n'avait pas pensé du tout à tout ça. Je veux dire, bon. C'est le contexte aussi. Mais est-ce que c'est juste avec un mec l'enculage qui t'intéresse? Ou tu aimerais enculer, sucer, te faire sucer Ah, bah, après, ouais, on a déliré parce que non. On avait pris ça au jeu. Après, moi, je l'ai baisé. Et tout, et puis on s'est fait un délire. Hein. Et qu'est-ce que tu préfères? Bah moi j'ai découvert ça en fait, je connaissais pas du tout, donc ça m'a pas déplu du tout. Hein. Mais... C'est un côté assez excitant, je trouve. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a je sais pas, d'avoir une bite dans ta bouche, est-ce que t'as senti que tu étais possédé? Bah disons que ça c'est une expérience à connaître, moi ça m'a pas déplu. C'est délicieux. Mais c'est vrai que je ferais pas ça avec n'importe quel mec, quoi. Ça allait parce que... Et moi non plus. Il avait quelque chose qui m'attirait, si vous voulez, il avait quelque chose de... Zaza, quel bonheur, qu'est-ce que vous avez comme bonheur à pouvoir mettre des bites dans votre bouche? Ben ouais, une grosse bouche. Non mais, c'est vrai. Est-ce que vous appréciez quand même avoir un bon bout de barbac dans la gueule? Tu es vulgaire, un bout de... Mais non, c'est pas vulgaire. Tout dépend, moi je dirais tout dépend du mec. Si le mec il est pas mal, ça donne envie. Ben oui, comme quoi finalement tout est très psychologique. C'est physique, disons. C'est sûr que le mec a rien d'attirant. Non, c'est pas physique uniquement, parce que si c'était physique, tu te foutrais une paupiette de veau dans la gueule, ça t'excite pas. Un rôti de veau, ça ressemble à une bite. Et t'as pas envie de sucer un rôti de veau. Oui, et or, on a envie de sucer des bites. Enfin, des gens ont envie... Vous avez envie de sucer des bites. Ça m'est arrivé. Par exemple, quand il a fait chaud, là, là il a plu aujourd'hui, la chaleur, là, je suis très tranquille. Voilà. Mais c'est vrai, j'avais envie, j'ai vu des hommes qui, par exemple, urinaient le long d'un mur. Eh bien, Glaé, chérie, j'ai eu envie de saisir ce membre... Cet appendice pissotant, en fin de pissoir, et de me le mettre dans la bouche, comme je mettrais un petit four dans un dîner parisien. C'est pas la même taille. Hein. Dans un cocktail. C'est délicieux. Et c'est délicieux. Mmh. Et vous l'avez fait avec Boumediene il y a quelques heures. Il y a quelques... Non, oui. Ça vous a coûté un petit cent. C'était un travailleur immigré qui avait quelques problèmes financiers. Et vous avez téléphoné au ministre pour ses papiers. Qu'il ait une subvention. Voilà. Voilà. Bon, Gino, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, mon ange? Eh ben, s'il y avait des mecs, je sais pas, 18-20 ans, qui seraient intéressés pour faire une partie à trois. Juste mais... 18-20 ans? Ouais. De mon âge, quoi. Avec ta copine? Ouais, ce serait plutôt un bisexuel, hein. C'est pas un oumou qu'on cherche. D'accord. Et ce serait un mec, bon, pour une relation, une amitié au départ, hein. Ça se ferait pas tout de suite, hein. Ah ouais, copain, donc il faut attendre un an avant de... Ah non, parce qu'on n'est pas du genre à baiser comme ça. Moi non plus, chérie. Alors là, vraiment, on va passer ton message, Gino, mon ange. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Mais une révélation. Je pense que vous allez avoir de la visite. Hein. Alors pour attendez. De la visite. Est-ce que tu peux. Ouais. Attends, non, Gino, c'est pas pour moi, c'est pour mon micro parce que je suis très énervé. Un petit peu plus d'aigu dans mon micro. Encore. Plus pointu. Voilà. Encore un peu. Comme si c'était pour Nana Mouskouri. Il faudrait. Tous ceux qui nous écoutaient toutes les semaines, il faudra envoyer de l'argent à cette station de radio pour qu'elle puisse racheter un matériel convenable. Oui, ça, il faudrait au minimum. Afin qu'on puisse continuer, parce que bon... Foin, c'est ce qu'on fume. Mais non, mais c'est... Le foin, c'est ce que tu fumes. Non, Zaza, je n'ai jamais pris de drogue douce. Tu me prends en flagrant délire. Et je vais te dire tout de suite que je suis... contre l'alcool et la drogue. Ah bah alors moi, alors ça... Vraiment. Et c'est parce que vraiment je suis payé très cher que je parle de sexe. Parce que le sexe est vraiment quelque chose qui me dégoûte. C'est somme toute, une fois consommé, assez parfois dégoûtant. Bon, de temps en temps, Ok, d'accord. Mais j'ai décidé, pour la clientèle, pour tous ceux qui nous écoutent, de me faire enculer. Je ne l'ai pas. Ah, mais tu nous en parles depuis 3 ans. Ça commence à être long, chérie. Ben, tiens, j'ai eu une lettre anonyme, là. Voilà. Il y en a toujours dans ces cas-là. Je vais vous lire. Toujours dans ces cas-là. Je vais vous la lire, attends. Tiens, dans le courrier, j'ai eu une lettre anonyme, voilà. Tiens, regarde, grosse enculée. Alors... ultimatum, David le spécialiste devra se faire enculer, sinon il sera victime d'une agression sexuelle. Bravo. Et Zaza sera privé d'alcool. Oh, alors il faut que tu te fasses enculer. Comité... Ça là, c'est une question de survie, hein. Comité révolutionnaire. Et c'est bien fait, t'as vu, c'est fait comme bah, il dis donc, comme si c'était vrai. Hein. Comme le corbeau, hein. Putain. Nous avons un autre auditeur en ligne. Alors pour contacter Gino, c'est le 43 57 69 70 43 57. Gino 69, qui recherche des 70. Hommes susceptibles avec une femme, c'est ça, non? Avec sa copine, il a sa une copine. Copine. Il a une camarade féminine. Ah bon? Oui. Assieds-toi là. Nous avons un autre auditeur en ligne. Je vais te faire après Bernadette Lafont. Après tu me fais Bernadette Lafont. Bon, je fais ça très bien. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors quel est ton prénom? Steve. Steve, et tu es quel âge, mon ange? J'ai 18 ans. 18 ans. 18 ou bip? Non, 18. 18, 18. Ouais. Sûr, bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous appelle tout d'abord pour vous saluer. Oui. Pour vous dire que vous êtes génial, tout ça, bon. Et puis, surtout pour vous raconter une histoire qui s'est passée dans le métro. Oui. Tu es encore étudiant? Non, non. Non, non, tu travailles. Moi, ouais, je travaille. C'est d'accord. Bien mieux, c'est bien mieux. Alors, est-ce que tu montes dans la deuxième voiture? Parce que tu sais que le rendez-vous de tous les auditeurs de Lune de Fiel qui prennent le métro, eh bien, ce rendez-vous se trouve dans la deuxième voiture. Quelle donc, deuxième voiture? La deuxième voiture. Le deuxième wagon du métro... Je ne savais pas. Ben voilà. Mais oui, mais voilà. Alors tous ceux qui écoutent Lune de Fiel et tout, il faut monter dans ce deuxième wagon. Et quand vous voyez plein de monde, vous criez Lune de Fiel! Acide! Lune de Fiel! Mais vous écrivez pas, hein, parce qu'il y en a qui taguent et tout avec des bombes, Lune de Fiel partout. C'est marqué, j'ai vu ça. Un jour, on va avoir une descente et tout, des lardus, ça va être gras pour notre Ropchi. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, je savais pas. C'est-à-dire que moi, ça s'est passé en première classe. Oui. J'étais avec un copain. Oui. Tony, d'ailleurs, s'il écoute, je le salue. Oui. Et bon, on monte, il y avait deux personnes au fond. Et puis il y avait deux couples assis. Ils occupaient quatre sièges. Et tous les quatre, ils avaient un badge Lune de Fiel. Nous, on n'en avait pas. Les filles et les garçons. Les filles et les garçons. Ouais. Ils étaient jeunes? Oh, ils devaient avoir entre... Ils avaient entre 20 et 25 ans. D'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et puis bon, moi, on était assis un peu plus loin. Et puis je vois un badge. Je connaissais déjà. Et puis j'arrive à côté. Je me lève, je vais à côté. Ouais. Et je suis un peu... Non, non, t'es un peu ému. Ouais, je suis un peu ému. Mais c'est normal, vas-y. Mais c'est normal, j'étais comme ça aussi. Fais comme si tu étais dans le lit. Et je les regarde, je dis... Ça va, pendant que je suis né. Et t'as fait un coup de poing dans ta gueule. Et puis là, il me regarde et puis... Ils rigolent. Ils rigolent, hein, et puis ils me disent... ah ouais, vous aussi, vous êtes branché là-dessus et tout. Ah non, mais il faut pas dire quand même salut, bande d'enculés, parce que si t'as pas un badge sur toi, tu risques de ramasser un taquet. Tu te rends compte, le mec est pas du tout au rancune. En général, tous les mecs qui portent ça, c'est de belles endives. Oh bah oui, mais quand même, t'as vu, bande d'enculés, l'autre, c'est un copain qui t'a donné, qui va pas expliquer l'émission. Oui, et tu tout. Lui dis, tiens, voilà, tu mets ça, c'est pour avoir du vin gratuit à la fête à Neneu. Voilà. Et alors, les mecs, ils ont pris ça bien et tout, ils ont rigolé avec ouais, toi? Ils ont rigolé et tout, on a commencé à parler, ça fait combien de temps qu'on écoutait ça et tout, on avait déjà fait des rencontres, tout ça. Et puis là, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on faisait. Et puis Bourdou, on a répondu, on allait voir des copains dans un café, quoi. On avait rendez-vous, mais c'était... Dans un café? Ouais. Pour c'était pas quelque chose de spécial. Non, non. Et ils nous ont proposé d'aller avec eux. Non. Où ça? Non. Si. Et alors, où êtes-vous allé? Et puis là, on a été dans une soirée. Oui. Ils allaient dans une soirée, on a été avec eux, tout ça. Vous avez pas pris de drogue? Ah. Si. Bon, on va raccrocher. Mais j'osais pas le dire. Bon. Vous avez bu de l'alcool ? Oui. Je dois le dire ? Oui, oui, dis tout. Confesse-toi, mon fils. Oui. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Tu t'es ouvert ? Oui. Ton fils. Et tu as chié partout. Oui. Non, 48 heures après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La soirée, elle est finie. Mmh. Et on est parti chez un des mecs, Victor. Mmh. Et on va chez lui, tout ça. Et puis là, ça a été vraiment la partouze infernale. Qu'avec des garçons ? Ah non, il y avait deux garçons et deux filles. Ah, deux garçons et deux bravo, filles. Bravo, bravo. Alors donc, vous étiez quatre garçons et deux filles. Voilà. Bon, les filles, elles ont commencé à faire un petit striptease au début, commencé à s'exhibitionner, tout ça. À s'exhibitionner. Exhibitionner, voilà. Parce que je me demandais ce que tu voulais incinérer. Et ensuite, c'était nous, tout ça. C'était... Alors, vous avez baisé. Joliment. Joli. Il y a eu 2 et 2, 2 font 4, et 4 font... Ouais, il y a eu un peu de ça aussi. Il y a eu mélange. Ouais, il y a eu mélange. C'est une soirée spéciale mélange. Et moi, je suis jamais invité dans ces trucs-là. Oui, quand vous... On m'invite toujours à des trucs casse-couilles. Non, mais quand vous avez des partouzes sympas... Vous avez vu le dernier Benex, des plans Sacom, tu vois, ma Cindy Lauper. Parce que, à la limite, les partouzes qu'on organise... c'est plus très amusant puisqu'on les organise. Mais nous, on aimerait bien être invités à des partouzes où nos auditeurs sont présents. Qu'on puisse s'apercevoir de quelle façon ils sont en l'air. Et puis enfin témoigner, parce que malgré tout, il faut qu'il reste dans l'histoire quelque chose. Et on pourrait leur donner des conseils sur les positions, sur... Par exemple. Hein ? Par exemple, n'est-ce pas ? Ce que vous dites n'est pas faux. Vous pourriez surtout vous qui avez comme... Parce que moi, je suis un peu néophyte là-dedans. Est-ce que le docteur est là ? Oui, attends, il est en train de se repoudrer là. Elle est enrouée, elle peut rien faire la maillot. Oui, alors vous voulez les problèmes de votre solution ? Oui, alors vous êtes homosexuel et vous avez le problème de le trou du cul et vous dites que vous avez fait le baiser avec la fille et vous avez pas fait le bineuse avec la fille. Vous êtes homosexuel, vous voulez faire en cul. Vous êtes deux jolies salopes. Allez, vous voulez rencontrer des garçons ou des filles ce soir ? Nous, oui. Ce qu'on veut rencontrer surtout, c'est des gens sympas, ouais. D'ailleurs. Mmh. Et que ça soit des garçons ou des filles, n'importe. Oui. Donc... Prochain numéro de téléphone, alors...